ça sera pas trop brillant pour la Salut tout le monde. On est fans de François Pérusse. Fait que vous êtes présentement dans une conférence où on va parler de François Pérusse. En fait, on va juste répéter les choses de François Pérusse en arabe. Ça, c'est un gars qu'on prend dessus. Ah oui, quoi? On va dessus. Une fois, c'est un gars qui rentre d'un bord et dit « Hey, t'es une bosse? » T'aimes où ton 3DS, hein? Depuis que je l'ai découvert, moi. Ouais. Et je te comprends. Moi aussi, je te comprends. Get these images out of my mind! Bon, on est du monde, on va partir. Quelle heure, là? Moins 5. On est encore 5 mois dans des niaiseries. C'est pas nouveau de nos podcasts d'habitude. On est habitué de des niaiseries avant le podcast. Dépendant. Sauf que là, maintenant, je suis là, c'est pas juste un podcast, c'est un pod close aussi. Oh. Allez, tout le monde, dites à tout le monde. Pour l'année. The feels! Merci, Tilly. Il y a combien qui connaissent les accords des jeux, c'est? Personne. Ah, Ben Lennes, c'est ça? Ah, ben, salut! Bonjour. Je vais te donner un câlin tantôt. Cool! Un câlin entre Ben. Entre Ben, on se comprend. Ah oui, ben. Tu parles en fait le podcast sur le porn? Ouais, c'est ça. Ce soir, c'est un podcast sur la porn. Hardcore versus casual. C'est ça le titre du podcast, hardcore contre casual. Je me sens un peu tout seul, presque. Et quoi? Parle-nous! Franchement! Parle-nous de tes expériences! Non. Moi, j'ai l'impression que je me suis tombé de pièce. Non, t'es bien d'amitié entre les deux battements là-bas, là. Je suis pas si gros que ça, moi. C'est vrai, t'as maigri. Merci. Bon, comment j'ai pu te donner ça? C'est comme la baisse. Ah! Disons qu'on est vraiment des gens sérieux, ça m'arrête. Toujours dit hein, que c'était pas de classe avec moi. Ok, arrête de parler pour moi. Arrête de parler pour moi. Parle de ton chandail. On va commencer. Ouais, on va sortir ça. Ceux qui ne connaissent pas, on est les accros des jeux. On est un site de critiques de jeux vidéo qui réunissent 7 critiques ensemble et qui font des critiques de jeux vidéo rétro, nouveau, autant que l'indépendant, que des gros majors comme EA. Ouais, on en parle. Et on a un podcast tous les mardis soirs, 20h, où on jase de jeux vidéo, on jase de geekies, on jase de bêta, on jase de tout ce qui nous passe derrière la tête, on jase de tout. Puis c'est à peu près aussi sérieux que ce qu'on faisait tantôt. On n'a pas de problème pas sérieux, vous savez ça. Ça sent pas mal tout le temps. Fait que si vous désirez venir voir live, c'est quoi le podcast, vous pouvez venir sur ma chaîne youtube.com/accrodesjeux. Et également, vous allez voir, on m'arrive de se promener aujourd'hui dans la salle. Si jamais vous avez des questions, vous voulez jaser, vous impliquer dans le podcast, allez-y. Juste à lever la main, Marilyn va courir avec le micro pour aller nous chercher. On n'est pas très loin, par exemple. Est-ce qu'il y a un fond, hein? Est-ce qu'on a des cartes de fer encore à la table? T'en as-tu? J'en ai dans ça. OK. Si jamais il y en a qui s'intéressent, vous pourrez nous retrouver. Comment j'ai pas le temps de faire un t-shirt? Alexandre. J'ai hâte de vous montrer. Ils sont vraiment nice. Bon, on passe ça. All right. Yeah. Podcast des accros, une édition spéciale Janim. Le Janim! Alors, on remercie à nos 250 auditeurs. Moi, c'est ça. 250 là-dedans, j'en vois. Salut, Sacro, c'est le Big Ben. Phil Vitalin. Juste un gamer. Marilyn. Testeur à quoi? Testeur bêta. Pour le podcast des accros spécial GNM! Wouh! Content de vous voir! Aujourd'hui, on a fait un podcast spécial vu qu'on est en ce moment même au GNM de Gatineau. Et on va jaser aujourd'hui de Hardcore Gamer versus Casual Gamer. Donc, j'ai très hâte de pouvoir marquer sur le sujet et voir vous autres. Écoute, on t'entend tous pour dire que c'est un sujet qui est pourtant élargi, mais que même en même temps, peu de gens connaissent la vraie définition. On est là pour ça. En fait, est-ce qu'il en existe vraiment une vraie définition? Parce que nous autres, on va donner notre définition, mais est-ce que c'est celle qui va marcher avec tout le monde? Je pense que tout le monde a une définition différente. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer là-dessus. Et on invite également ceux qui sont dans la salle présentement à, si vous avez des questions, vous voulez interroger, juste à lever la main. Marilyn va faire son petit chat dans la salle et aller chercher les gens. Et on en profite parce que Marilyn apporte des très, très jolies oreilles de chat derrière la tête. Avec des grelots. À ce temps, je suis qu'elle est rendue. C'est ça qui est bon. On va commencer. Je vais commencer d'abord avec la personne qui a proposé le sujet aujourd'hui. On parle ici de Juste un Gamer. Ouais, c'est moi. Eh bien, c'est toi qui as proposé. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ça, Casual Gamer contre Hardcore Gamer? Tu m'as demandé de parler de trouver un sujet pour le podcast. Non, mais là, tu veux savoir mon opinion là-dessus? Oui, je veux savoir. Tu disais quand même qu'à ta job, tu avais des heures de. Ouais, les hommes, c'est ça, c'est quoi, c'est ça, personnellement, je trouve que les casual gamers, c'est du monde qui joue de temps en temps. Qui joue pas à plusieurs jeux, qui joue juste à un certain jeu à petite dose. Oui, dans le cas, tu peux fermer la porte si tu veux. En passant, Tanuka est présente! Ouais! Et je continue? Ok, donc. C'est ça, c'est le fun, en plus, on l'a là. Là, tu y allais? Hey, t'as dit quoi, maintenant? Ouais! Je veux que tu sois la fille! Ouais! On coupe Jug! Ouais! Ouais! Ça regarde un secteur. Ouais! Je l'aime, Jug, moi. Ouais, moi aussi, je l'aime. Get a room. Non, c'est ça, vous autres. Get a broom. Donc, casual gamer, quelqu'un qui joue peu et pas souvent, mais à un seul ou peut-être deux, trois types dans son année. Moi, je pense que c'est ça, casual gamer. J'ai pas d'autre chose à dire sur le casual. Mais sur le hardcore, je pense que là, c'est là-dessus que j'accroche. Parce qu'un hardcore gamer, c'est plus qu'une personne qui joue à Call of Duty 100 heures par semaine. Sparger! Non, c'est vrai, même l'éditeur du jeu, ceux qui jouent à Call of Duty, c'est pas des gamers. C'est quoi la phrase exacte qu'ils ont utilisée pour dire ça? Est-ce que c'est carrément ça? C'est carrément ça. Nos clients ne sont pas des vrais gamers, mais allô marketing. Those who buy Call of Duty, which are our clients, are not gamers, per se. Hey boy, ça fait tout côté relation publique, j'ai un gros zéro. Ouais, on a le droit de le penser, mais de le dire. Beaucoup de monde pense comme ça. Ils ont fait un pas en avant. Là. C'est ça, ils ont juste dit publiquement. Ils ont été honnêtes. Oui, c'est ça, ils ont été avec l'honnêteté. Mais moi, je pense qu'en tant que gamer, c'est quelqu'un qui joue à toutes les sortes de jeux, peu importe c'est quoi, du puzzle game ou RPG, au jeu d'action, au shooter, à tous les jeux possibles, puis qu'il y a une ouverture, puis une horizon plus grande que juste un certain type de jeu. Ça, c'est un hardcore. Ah ouais. Moi, vois-tu, j'aurais cru qu'un hardcore gamer se spécialise dans quelque chose. Non, ça, on appelle ça un professionnel. Non, mais mettons. Oui, moi, pour dire que quelqu'un est un hardcore gamer, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir le 100% dans un jeu comme les Zelda, les Metroid, qui va chercher tous les petits détails. Il faut être assez hardcore quand même pour avoir la patience d'aimer un jeu au point d'aller chercher tous les cœurs dans Zelda. Toutes les affaires d'énergie de missiles dans Metroid et dans d'autres jeux que ouais, qui ne viennent pas en tête. Pourtant, il y en a qui considéraient ceux qui essaient d'avoir tout dans Angry Birds et qui ne jouent qu'à Angry Birds, pas des hardcore gamers. L'histoire, c'est que il y a une grosse différence entre les jeux de plateforme et les jeux vidéo en tant que tels. Ils sont consoles. Parce que les jeux. Tant c'est les femmes de 40 à 60 ans parce qu'ils ont une tablette puis ils jouent avec Angry Birds, ils jouent un petit Candy Crush. C'est la tranche d'âge qui a la plus grande expansion depuis l'avènement des tablettes. Mais c'est pas, tant qu'à moi, la définition d'un gamer, c'est pas avec un doigt sur une tablette. Là. Pour moi, un gamer, c'est soit vraiment collé devant son ordi ou sur une console qui est pas capable. À ce moment-là, c'est pas un peu limitatif, parce que là, c'est la façon de jouer sur une tablette, c'est une nouvelle façon de gamer. Oui, mais pour moi, c'est pas un gamer. Pour moi, c'est pas un gamer. Gaming. Gamer, tant qu'à ça, jouer avec son chien, c'est un gamer. Parce que je connais des personnes qui jouent des jeux de table de rond bleu, etc., qui disent que ceux qui jouent des jeux vidéo, c'est pas des vrais gamers. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs. Parce qu'il y a des choses avec des manettes, mais. Je suis un fan de board game, et je comprends les deux points de vue. Mais pour moi, gaming, c'est jeux vidéo. Dans ma tête, gaming, gamer, c'est jeux vidéo. Board game, c'est une autre classe, carrément. Carrément, tu joues pas, tu sais. J'ai pas l'habitude d'avoir une queue dans la face. Bon. Hey, j'en ai toujours un, mais d'habitude, il me suit là, avec mon casque. Tu sais, moi, dans un board game, là, j'aimerais ça voir un hardcore gamer de board game. Écoute, si tu vas dans la salle de jeu, on était voir, ils ont le board game du jeu Zombicide, qui est une sorte de jeu vidéo sur board game. Je l'ai reçu pour Noël et c'est vraiment étrange parce que plus tu tues de zombies, plus tu montes de level, tu as des skills, tu fouilles. Il y a des zombies qui spamment un peu au hasard, tu as des cartes pour ça, tu peux t'as des armes au hasard et tu as des objectifs selon la map que tu choisis, tu maps, puis les zombies qui spamment un peu partout. Oui, mais comment tu veux être hardcore gamer à Zombicide, tu sais, je veux dire, ça n'a aucun. Moi, je trouve que c'est pas dans la même classe que le gars qui joue à World of Warcraft, qui raid 8 heures par jour pour achiever l'héroïque, tout raid, là, la semaine que l'expansion sort, c'est un hardcore gamer, à mon avis. C'est un craqué mental, c'est pas parfait. Non, ça dépend. Je peux pas vraiment juger dans la mesure où c'est qu'il y a une rencontre que vous venez de décrire Alpha. C'est dans le fond, c'est un hardcore gamer, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné dans son jeu et dans son préféré. Tu penses que c'est de la passion, toi? Ben écoute, tu sais, quand on a joué au board game de World of Warcraft, là, ça prend une heure à setter, puis ça prend trois heures à jouer. On s'entend que c'est pas n'importe quel casual gamer qui va faire ça. Disons que ça prend un gamer averti. Mais il est pas hardcore. Un hardcore, c'est pas parce qu'il. Moi, je pense pas que c'est parce qu'il est passionné du jeu. C'est parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il est capable de tout faire, puis écraser les autres, puis regarder, moi, je veux tous les achievements à WoW, et je dois-tu pas avoir de vie, moi, là, hein? Mais je suis pas... C'est ça, pour moi, un hardcore gamer, c'est... J'ai de la misère à imaginer un hardcore gamer dans un board game qui est là, puis « Ah ouais, je veux toutes les pignouches, parce que... » Non. Ben là-dessus, Marie va pouvoir me confirmer, mais on a un de nos amis, là, quand on joue à Donjons et Dragons, là, lui, c'est un hardcore encore libre. Il parle de Fred, là. Puis là, OK, il va prendre 3 heures à setter son personnage niveau 1. Il est en train de faire sa feuille de route pour montrer, OK, tel niveau, je vais mettre tel skill, tel skill, tel skill. Après ça, je vais mettre tel skill, tel skill à niveau 3. Je vais mettre tel fille, tel fille. Ça vient encore, on pourrait dire ça encore, ça. Il connaît pas mal. Merci. Il connaît tous les règlements par cœur aussi. C'est pas tous les. Pas tous les gamers, les casual gamers ne connaissent pas tous les règlements par cœur d'un jeu nécessairement aussi, là. Surtout un jeu comme Donjons et Dragons, que c'est extrêmement complexe. Donc, pour moi, ça, ce serait comme un peu hardcore gamer, mais dans une autre catégorie que les jeux vidéo. Fait que ça revient un peu à mon argument que j'ai dit tantôt, que par une des définitions, pas la définition, mais une des définitions de hardcore gamer implique de la passion. Moi, je dirais plus que c'est hardcore casual, je séparais ça par le nombre de temps consacré au jeu. Parce que je connais du monde qui joue à des board games, justement, un jeu à Zombicide. Puis le gars, aussi, je vais considérer ça hardcore parce que. T'as le bonhomme qui est là, tu brasses un dé, tu veux bouger. Non, écoute, bouge pas, parce que la troisième carte qui risque de sortir, c'est que tu vas vouloir après ça ouvrir la porte. Mais là, le zombie va t'attaquer, puis ça, la dernière fois qu'on a joué, c'était super mal. Fait c'est le gars qui connaît à peu près tout ce qui se passe alentour. Tu sais, un casual, c'est un gars qui va jouer, va grabber son iPad, son DS, n'importe quoi, ou son PC, il va jouer un petit jeu sur Steam. Il va durer 15-20 minutes entre 2-3 affaires, puis il va lâcher. Parce qu'un gars qui joue à World of Warcraft 8 heures, ou un board game 8 heures, ou n'importe quoi, tu consacres beaucoup de temps, c'est là que je vois que ça devient beaucoup de temps, performance, hardcore. On peut-tu setter le hardcore gamer selon une limite de temps joué? Je pense pas. Faites pas ça. Ok, on parle beaucoup de World of Warcraft, mais il me semble que c'est un exemple parfait. Ben oui, mais autant à l'ordi qu'en board game, là, c'est tu pourrais vrai. Être un ultra casual à WoW, puis jouer 10 heures par jour. Tu pourrais leveler 10 personnages différents, hein, de chacun d'une classe différente, mais tu fais ça relax, c'est quand même une forme de hardcore pour être capable. Non, je trouve pas, moi. Ça se passe dans la tête. Le hardcore gamer, pendant son 10 heures de jeu par jour, on s'entend dessus qu'il fera pas la même chose que le casual, qui va aller chercher... Le casual jouera pas 10 heures par jour. Pourquoi pas? Un casual gamer va s'écœurer après une heure ou deux. Non, je ne suis pas d'accord. On est d'accord. Ça se peut bien, là. J'ai pas d'exemple. Pourquoi un casual ne pourrait pas? Mettons que je suis un casual, puis j'ai 2 semaines de vacances, puis je trippe sur WoW, là. Il est où le problème? Je peux jouer 10 heures. Je peux jouer... pendant 1h10 personnages différents, puis on s'entend que je n'avance rien de... je vais faire 5 levels avec chaque bonhomme, c'est pas... il y a rien d'hardcore là-dedans, là. T'es casual, tu joues toute la journée. Puis... quand j'avais 10 ans, là, puis que t'avais une journée de congé, puis tu pouvais jouer au Nintendo parce que pareil, t'es pas là, là. T'étais pas hardcore, là. T'étais un casual. OK, donc ça serait plus la fréquence dans ce cas-là. C'est dans ta tête. C'est quoi ton attitude par rapport au jeu? L'aspect compétitif, si t'es vraiment hardcore, tu vas être extrêmement compétitif. Ça serait à ce niveau-là? Oui, je te dirais que ça s'en irait dans ces directions-là. Ouais. OK. J'aurais besoin de votre avis, étant dans la salle. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait en parler? Come on, là! Hardcore Tetris! Marie va courir dans la salle, essayer d'avoir vos avis. Levez vos mains, s'il vous plaît, ça va m'aider. Gardez-la de plus. Ok, moi je pense que Alpha il s'en va dans la bonne direction avec ce qui se passe dans la tête. Là. Moi je pense que c'est ce que tu fais à l'extérieur du jeu qui fait de toi un hardcore gamer. Si tu passes des heures sur les forums à essayer de trouver les meilleures stratégies, si tu lis des guides, tout ça pour essayer d'avoir un personnage le plus optimum possible, fait de toi un hardcore gamer. Cool! Moi, j'aimerais rajouter à l'argument qui a été comme rajouté par mon partenaire juste avant, c'est comme, je dirais peut-être plus qu'en Hardcore Gamer, c'est quelqu'un que, justement, qui va chercher à comprendre toute la mécanique puis à l'extérieur du jeu pour optimiser sa performance dans le jeu pour atteindre les parties les plus difficiles, tandis qu'un casual gamer, prendre un exemple rapide, disons, quelqu'un jouera à League of Legends, il pourra jouer avec des amis, puis tu sais, il peut être poche, il peut feeder, ou, mais il va juste jouer, il va, ah, j'ai, c'est le fun, puis tout, tandis qu'un hardcore, lui, il va regarder ses sites, il va dire, ok, il faut que je mette telle botte avec telle. Si il meurt une fois, il va être dans ta barre. Puis ça, puis il va péter une coche après tous ceux qui sont casual, puis qui sont juste, hey, c'est un jeu, relax. Fait que ça, ben, de mon avis, je pense que hardcore, c'est parce que ça vise plus une clientèle qui demande une très bonne compréhension de la mécanique, par exemple Dark Souls. Puis. Des mauvais souvenirs. Ça, je pense que c'est plus, ça demande une compréhension de la mécanique comme plus poussée qu'une personne casual qui va juste jouer pour le, surtout pour le fun ou juste pour un passe-temps comme ça. Qui peut mourir, puis ça le dérange pas, c'est juste pour le plaisir de la chose. Génial. Ah. Je pense que t'avais quelque chose à te dire. Oui, mais les deux personnes, ils ont dit certaines choses que je voulais dire, mais selon moi, un hardcore gamer, ouais. Une personne liée aux jeux vidéo, et puis c'est un de son passe-temps principal. Mm-hmm. Par exemple, un casual gamer, c'est une personne qui... Par exemple, on peut dire que son passe-temps principal, c'est pas lire un livre, par exemple, et puis son passe-temps secondaire, c'est jeux vidéo, mais selon moi, durant une période de vacances, comme un hardcore gamer dit, ah, c'est une période de vacances, j'ai pas profité pour jouer au maximum, mais un casual gamer, comme... Un casual gamer, c'est pas son passe-temps principal, c'est un passe-temps secondaire ou bien tertiaire. Parfois, il peut jouer à un jeu, par exemple une heure ou bien, parfois même 10 heures. Okay. Mais comme c'est pas son passe-temps, principal, il va construire 10 heures et il va plus jouer au jeu. Il va plus jouer au jeu pendant comme un mois. Okay. Donc c'est ça. Ah ben super. Merci beaucoup. Ça vient à dire ce que je disais, c'est n'importe quoi. Ça vient à dire ce que je disais par rapport à juste que je voyais ça que je disais. Tu peux être hardcore gamer à n'importe quel type de jeu. C'est ça qui est important. C'est en même temps que tu as une toi ton passe-temps principal. Tu peux être autant un hardcore à Bejeweled qu'un World of Warcraft. J'ai 2 millions de points à Bejeweled! Je veux regarder ma femme jouer à Bejeweled, puis elle est hardcore, là. Elle connaît tous les moves, puis aussitôt qu'elle regarde l'écran, elle sait quel move faire. Puis elle C'est sûr, c'est une question bien philosophique. Ça change bien, tu sais, le pion, tout ça, puis. Moi, personnellement, par expérience, j'ai déjà reçu des invitations pour des clans, surtout sur Battlefield 3. Okay. En fait, sur console, là, PlayStation 3, puis j'ai toujours refusé. Parce que, il y a un exemple, juste comme ça. J'ai déjà eu un clan qui m'a invité, puis j'ai été curieux d'aller voir c'est qui, c'est eux autres, tout ça. Puis, leur règle, c'était, mais on n'accepte pas la défaite, puis plein d'affaires, c'était comme super ultimate. Souvent on appelle ça des pro-gamers. On appelle ça des professionnels. Gamer nazis, puis en tout cas, j'ai resté bien étonné, mais ça m'a découragé un peu, parce que on dirait que ça n'allait pas chercher. C'était un niveau vraiment compétitif. Tu allais voir là pour ça. C'est sûr. Il y a le même problème dans World of Warcraft. Il y a du monde qui vive pour jouer, qui ne joue pas pour le fun. C'est rendu, le jeu, c'est la priorité. Toutes mes soirées sont là. Puis ça enlève le fun pour le monde normal, comme tu racontes. C'est la rencontre des deux qui ne fonctionne pas. Si le hardcore fait des affaires hardcore dans son coin, ça va. Si le casual il fait ses trucs casual de son côté, ça va. Mais s'il y en a un qui rencontre l'autre et essaye de jouer ensemble, oh boy, ça ne marchera pas. L'hardcore il va péter une coche puis le casual il va dire toi, t'es malade, ça, puis il va s'en aller, puis ça va finir, là. Mais, moi, je n'avais pas terminé. Mais, c'est justement ça. On dirait, comme vous dites, là, on dirait que ça ne va pas chercher de fun. Puis moi, je me sens comme un casual gamer. Puis je sais que des fois, à l'intérieur, j'ai mes moments d'expert, puis je me sens super bon, mais encore là, c'est extrémiste. Bon, vas-y. Je sais qu'en arrière, il y a avant la personne. Ouais. Mais avant tout, Mary, tu as ton avis à toi, Mary? Parce qu'on parle pas, on a entendu là-dessus. Oui. Moi, je me considère comme une casual gamer, pas à peu près. Puis je veux, dans le même avis que tout le monde, les hardcore gamers plus vont être genre très stratégiques, très concentrés, très stratégiques, moins sur le plaisir de jouer que les casual gamers. Okay. Donc, peut-être les casual gamers? Okay. On peut pas aller dans l'arrière, oui. Et après ça, on va discuter. J'aimerais ajouter comme une petite divergence à ce sujet-là. J'ai remarqué beaucoup que quand on parle de certaines personnes, comme du monde qui joue pas, on dit un hardcore gamer, on dirait qu'ils font comme la comparaison peut-être avec comme une dépendance ou que genre la personne c'est comme si c'est hardcore, elle pense juste à la ça. Mais tu sais, tu peux avoir quelqu'un, ouais c'est ça, mais tu sais, tu peux avoir quelqu'un d'excellent à un jeu genre comme World of Warcraft, mais tu sais, ses amis appellent, hey, on va prendre une brosse, il va dire ok, mais tu peux avoir du monde aussi qui vont jouer à Farmville pendant 8 heures, puis c'est juste du... On est tous accro à l'alcool, fait que regarde, ça. Alcool over World of Warcraft. Non, ça, mais d'un point de vue, je pense comme profane, je pense que le monde, il trouve que c'est comme hardcore gamers, c'est comme plus ou moins une dépendance, alors que tu peux avoir des jeux de casual, puis en abuser comme tu peux être sur un jeu hardcore, puis connaître ton jeu, mais être capable d'avoir une vie sociale, puis de savoir la différence entre surjouer, puis bien connaître ton jeu. Ouais, à peu près. Okay. C'est bon. Fait que je vais laisser Marie aller voir Marie ici, puis après ça on va continuer. Juste à préciser que la quantité d'alcool que normalement tu t'es consomme, c'est moi qui la prends. Oui, on t'attend. À mon avis, moi, il y a deux bords d'extrémité entre casual gamer et hardcore gamer. Mais c'est juste une question. J'ai pensé ça philosophiquement, mais j'ai aucune preuve tangible. Vous voyez que, il y a ce bord casual gamer. Il y a un bon hardcore gamer. Ouais. Donc, moi, je considère comme hardcore gamer, mais c'est pas à l'extrémité hardcore, pas une personne qui prend ça au sérieux, mais c'est comme un peu près ici de l'extrémité. Ok, donc en échelle de 1 à 10, mettons, tu serais un 7, c'est ça, je comprends. Comme un 7.5. Ok. Mais, ouais, c'est beau, oui. Comme ça, mais, par exemple, un jeu comme Call of Duty, ouais. Un jeu comme Call of Duty, je joue à ça rarement. Ou bien plus comme ça, mais là je suis comme Street Fighter, je suis hardcore gamer, tu connais les moves comme Hadouken, Poyuken, et bien Fire, et toi comme ça, mais au bout de que je joue pas souvent Street Fighter, parfois je peux faire 2 mois sans jouer à Street Fighter, et puis je me rappelle du move exactement, c'est comme je suis tellement bon à Street Fighter que je n'ai pas besoin de jouer à chaque jour pour être vraiment bon à Street Fighter, parce que je joue à ça tellement. Fait que tu serais un hardcore gamer de Street Fighter finalement, c'est ça qu'on pourrait dire. Vous voyez que je suis hardcore gamer, comme je dis, je suis un peu casual gamer, mais au bout de l'extrémité, à mon avis, il n'y a pas une personne qui est 100% hardcore et 100% casual, car un casual gamer peut avoir une certaine caractéristique de hardcore, puis un hardcore peut avoir une certaine caractéristique de casual. Donc c'est pas 100% hardcore, 100% casual. C'est juste ça à mon avis. Mais j'ai aucune preuve tangible. Non, mais on est là pour ça. On est là pour ça, on en discute. C'est un peu comme le niveau de performance, dans le fond, c'est un peu comme ce que je disais dans le fond tantôt, c'est le niveau de performance que tu veux atteindre qui définit si tu es hardcore gamer ou pas. Et comme monsieur vient de dire, tu peux être un hardcore gamer dans un style de jeu, Call of Duty, puis être un casual dans un autre. Et avoir une toute autre mentalité, dépendamment du jeu, du style de jeu. Street Fighter, Call of Duty, c'est deux jeux complètement différents. Moi, avec un de mes amis, c'est Tetris, on est assez hardcore quand on joue ensemble. Il y a un mode jouer ensemble, les deux en même temps, puis on split toujours ses pieds, ça va pas bien, parce qu'on est assez bon, qu'on pense pareil, puis c'est pas la même mentalité du tout selon le jeu. Penses-tu que ça se limite à juste des jeux? Exemple, jeu de société, tantôt on parlait de ça, tu penses-tu que casual et hardcore, ça se limite juste aux jeux vidéo? On avait parlé brièvement de jeux de société. Mettons, mots croisés. Tu vas être hardcore casual. Non, ben, il y a un niveau encore là de casual et de hardcore, mais j'appellerais peut-être pas ça du gaming. Non, c'est ça, c'est pas du gaming. C'est ça, c'est pas. C'est comme quelqu'un qui marche puis quelqu'un qui court le marathon. Là, il y a un niveau de hardcore différent, ok? Mm-hmm. Non, qui est très joueur. Ah, ouais. Mais c'est pas du gaming. À la limite, le board game, oui, je pourrais considérer ça du gaming, mais c'est pour moi, le terme gaming, c'est jeux vidéo. Mais à large, oui, les board games, il y a moyen d'être. Ben écoute, Zombicide, c'est un jeu pour. Même chose que World of Warcraft Board Game, c'est un jeu pour gamers avertis. Faut que t'aimes les zombies ou faut que t'aimes l'univers de World of Warcraft pour embarquer. Parce que sinon, c'est tellement complexe, c'est tellement gros, tu vas perdre le fun avant de commencer à jouer. Puis, étant donné que c'est des jeux relativement évolués, tu peux pas jouer à ça avec n'importe qui. Mettons, on jouait pas avec nos parents. Non, c'est ça. C'est pas comme, par exemple, revenir sur les jeux vidéo, Mario Party, je jouais à ça avec mes cousines de 8 ans, puis ma tante de 55, là. Voir deux ma tante faire la boxe à Wii, là, une contre l'autre, c'est hilarant, je vous le dis. Mais ça, il n'y en a pas une qui va s'essayer à Zombicide, il n'y en a pas une qui va s'essayer à World of Warcraft. Donc, il y aurait des types de jeux, finalement. Oui, il y a des types de jeux qui sont faits pour plus hardcore. Mettons, plus si j'ai... d'amour. Non, mais je veux dire, mettons, World of Warcraft, là, faudrait, si on faisait, comme monsieur proposait, une échelle de 1 à 10, pour jouer à World of Warcraft, faudrait que tu aies au moins un 4. Puis si t'es pas en haut de 4, tu ne catcheras pas, ça va être trop complexe, il y aura trop de choses, puis tu ne pogneras pas le fun. L'affaire, c'est que World of Warcraft est faite pour attirer du monde casuel pour qu'ils deviennent éventuellement des hardcore. Ouais, en fait, il y a ça, hein, parce que World of Warcraft, il y a ça comme particularité que je ne connais pas dans beaucoup d'autres jeux. C'est que quand tu level, tu peux être casual, puis quand tu es niveau maximum, jouer casual, tu as moins le fun, puis le fun rendu là, c'est de raider, puis c'est de faire des donjons, puis c'est de faire quelque chose d'un niveau un peu plus hardcore que juste les casual. Oui, World of Warcraft, en effet, c'est un attrape-nigo pour casual player. Autant pour les hardcore, là, je sais qu'il y a des guides là, que c'est militaire, là, c'est-à-dire que l'expédition sort. Ils ont déjà tout fait les boss dans le bêta. Là. Fait que l'expédition sort, puis 3 heures après la sortie, ils ont déjà tout clairé. En... Tout le monde peut jouer. Mais moi, je pense quand même qu'il y a peut-être un niveau minimum à WoW. Je sais pas, il faut quand même être gamer averti pour te. Tu sais, au moins te rendre level 60. Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un qui. Mettons ma mère, là. Elle lirait 2-3 bulles de texte. Puis, c'est compliqué, ça. Ça arrêterait là. Il faut juste qu'il fasse comprendre qu'il ne faut pas lire les bulles de texte. Tu peux juste prendre la quête, that's it. Tu peux pas d'autre chose. Prends la quête, prends la quête. On parle beaucoup de WoW, mais c'est parce que tout le monde connaît ça, puis c'est un bon exemple. Le Torrent, c'est un excellent exemple qui permet aux nouveaux joueurs de s'initier aux jeux vidéo même, et qui également renferme tellement de secrets que c'est là que tu deviens un hardcore gamer. Si tu veux seulement découvrir le moins secret au pixel près, pas forcément carré, au pixel près. Oui, il y a d'autres jeux, mettons Call of Duty ou Manager. Non, mais peu importe. C'est le genre d'affaire que moi, qui serais vraiment casual à ce genre de jeu-là, je pourrais pas jouer online. Parce que tu t'en vas là, tu te fais casser la gueule, le monde rit de toi, puis t'as rien à faire parce que. Ça, c'est vrai. Tu veux apprendre à jouer, il n'y a pas personne qui va te montrer à jouer, ils vont juste vouloir te tirer dans la tête. Ils vont être contents, ils ont des headshots, ils ont des kills. Ils vont savoir que t'es un noob. Ils vont savoir, ah, lui c'est un noob, on va faire plein de points sur lui. C'est ça, genre, puis ils te spot, puis j'ai l'impression que c'est pas la même communauté qu'à World of Warcraft, où il y a plus de casual players justement que. Parce que World of Warcraft, il faut donner ça, ça regroupe une tranche d'âge qui est pas mal énorme. Écoute, quand j'avais joué dans le temps, là, on en avait du raid là, qui avait du monde de 45, 50 ans, qui venait raider nous autres. Là, que oui, ils étaient capables de nous healer. Parce qu'eux autres, principalement, je ne sais pas pourquoi c'était healer. Parce qu'ils étaient inquiets pour moi. Le bon vieux temps. Tu es l'avenir des tanks. Je suis l'avenir des tanks. C'est ça que je voulais dire. Je voudrais savoir également, y a-t-il des jeux particuliers qu'on pourrait catégoriser comme casual gamer et hardcore gamer? On y va plus spécifique. Je pense pas que tu peux catégoriser les jeux par hardcore ou casual, mais je pense que tu peux faire l'inverse. Tu peux catégoriser les hardcore qui vont prioriser un jeu over un autre. Ok. Mais mettons, là, je suis un vrai gros hardcore puis je veux en vivre. Là, vers quoi je vais aller? Animal Crossing, ouais. Mais tu sais, les joueurs de StarCraft, je sais pas si vous avez vu des vidéos des pro players des joueurs de StarCraft, là, c'est complètement insane. Ils sont rentrés avec une ligue à eux autres, là. Ouais, c'est diffusé à la télé en Corée, genre dans des vraies compétitions dans un temps qui gueule. Moi, ce qui m'a vraiment traumatisé, c'est quand ils filment le joueur qui est derrière son ordinateur et qui pèse sur les boutons. Je sais pas si vous avez vu ça, là, mais j'ai pogné de quoi. Là, c'est... Je vais essayer de l'imiter. Là. Ça ressemble à peu près à ça. mais tout est calculé là, pour lui, là. Puis, il fait les bons mots, puis tu vois ses bouts, de... j'exagère même pas, là, c'est ça le start-up. Ça ressemble au move d'un certain programmeur de jeu. Oui, ça ressemble à Fichard Vanderlache un peu en effet. Enfin, si t'es un vrai hardcore, je pense que tu vas prioriser des jeux over. Là. C'est ça, il y a, quand je disais, mettons, pour World of Warcraft 4 et plus, qu'on a fini par dire c'était pas ça. Il y a des jeux qui vont vraiment, on parlait de Harvest Moon ou Animal Crossing, que ça risque d'être beaucoup plus des casual gamers qui vont aimer ça. Mm-hmm. Les hardcore gamers vont aller plus vers d'autres styles de jeux. On pourrait-tu dire également qu'il y a des compagnies qui se spécialisent dans ce genre de jeux-là? Oui, c'est sûr. Si on décidait par exemple Nintendo, on pourrait utiliser casual. Absolument, c'est très familial, c'est très casual. Et comme je disais, Mario Party, là, tu peux jouer avec le kit de 6 ans, tu lui mets des petits buffs, là, puis tu fais exprès de ne pas être trop fort pendant les jeux, puis il va avoir du fun. Là. Tu peux jouer avec ta matante de 40 ans, puis elle va trouver ça drôle de peinturer un mur ou de cliquer prendre des photos, de t'attraper des Goombas. C'est des petites affaires qui intéressent un peu monsieur, madame, tout le monde qui fait la force de Nintendo, comparé à peut-être Sony et Microsoft qui vont des gros RPG, des gros titres comme Assassin's Creed, des affaires un peu plus spécialisées, complexes, graphismes, grosses histoires. Mario Party, l'histoire, là, c'est pas barjeu. Mais c'est bien le fun pour parler à tout le monde. Assassin's Creed, si tu veux tout essayer ce qu'il y a dans le jeu, tu t'en as pour des heures et des heures avant d'arriver à ce point-là. Okay. On va aller faire un autre tour avec notre public, voir qu'est-ce qu'il en dit. Est-ce que tu regardes le temps? Regarde le temps, tu vas essayer de t'en... Ouais, dans 25 minutes. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur, car... Quand il y a certains types de jeux qui ont été visés pour un casual, mais il y a certains types de jeux qui ont été visés pour un hardcore. Par exemple, moi je joue beaucoup aux jeux de combat et je joue très bien aux jeux de combat. Par exemple, quand je joue à un jeu de combat, je peux déjà dire que si ce jeu de combat a été fait pour un casual, ou bien ce jeu de combat a été fait pour un hardcore. Par exemple, un jeu de combat en 3 dimensions, Virtua Fighter et puis Tekken. Selon moi, Tekken a été fait pour gérer un casual gamer ou un combat, mais à la série Virtua Fighter, il faut avoir beaucoup d'expérience pour jouer le combat. Et personnellement, par expérience personnelle, il y a des gens qui sont très bons au jeu de combat, comme ils vont jouer Virtua Fighter, parce que Virtua Fighter, il faut avoir la technique parfaite et tout ça. Et puis, pour faire un combo, il faut beaucoup d'entraînement, un bon timing. Mais là, je compte Tekken, et je viens marquer, je compte. Par exemple, un You, ça fait des pompes. Ça, c'est une pompe. Ah, parce que c'est une machine. Comme ça, boum, boum, boum, boum. Par exemple, quand je vous reviens à Tekken, donc on me dit, tu es par terre, tu es comme prendre des pompes, tu peux te féminer. T'es presque sans défense, tu fais des vieux jusqu'à ce que tu meurs, tu vas juste faire fight 2, oublie ça, il n'y a aucun cheat tweet, parce que si t'as gagné, tu seras habité. Ok. C'est pas parti. Quand on. Oui, ok, il y a quelqu'un dans le fond. Oui, on va le relayer, sinon. Non, mais moi, je l'envoie. Ah, ben s'il est à côté, il aille, c'est correct. Pas pressé. Je voudrais savoir, est-ce qu'on y a. On pourrait aussi définir certaines consoles comme des consoles casual puis hardcore, parce que moi, particulièrement, on parle de choses comme Visual, Angry Birds, j'ai vraiment l'impression que l'iPhone, c'est vraiment fait pour casual gamer. Oui, mais ce que je disais un peu tantôt, là, les tablettes, là, tant qu'à moi, les hardcore gamers vont pas triper tant que ça sur les jeux tablettes. Mais je te dirais qu'il y en a, par exemple, il y a des jeux qui sont commencés à être de plus en plus spécialisés. Je pense par exemple à Baldur's Gate. C'est un vieux jeu, même. Bon, ouais. C'est un jeu que tu peux t'investir assez pour que ça devienne un jeu hardcore. Là. On s'entend, ils vont vu Baldur's Gate. C'est... Baldur's Gate, il faut déjà à base connaître les gameplays, puis connaître un peu comment ça marche. Puis il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Là. Puis c'est sur tablette, en fait, pour un jeu casual. Non, mais il y a ça sur tablette. Oui, c'est un jeu sur tablette. Oui. Ben justement, j'ai Baldur's Gate sur iPad, puis je te dis, c'est 100% pas comme jouer au PC. Je pense, comme tu dis, c'est l'appareil, le périphérique qui fait peut-être qui détermine plus qu'à jouer, parce que je jouerais pas autant sur mon iPhone un jeu qui a une version, admettons, sur console, puis je jouerais pas autant à Baldur's Gate sur mon iPad que je jouerais à mon ordinateur. Est-ce que tu attribues ça aux contrôles qui sont peut-être un petit peu plus efficients? Très, parce que tu n'as pas le choix avec ton doigt. C'est ça, dans le fond, comme être assis dans ta chaise. Ton moniteur, ta souris, c'est beaucoup plus précis. Le jeu, il est là. Le jeu, c'est une copie conforme. Sauf, mais ça, les contrôles n'ont pas été modifiés. C'est la tablette, elle rend la tâche difficile. Ils ont surtout un public cible. C'est ça qu'il faut dire par instant. Il y a vraiment un public cible pour chaque console. On s'entend, par exemple, la Wii. Le public cible, c'était la famille. Donc, la famille, elle vient quand même avec une fonction plus casual. Parce que tu sais qu'un gars qui a acheté une PS4, lui, dans le premier jour, il veut jouer au gros jeu. Même si on parle de gros jeu, même s'il n'y en a pas tant eu, mais en tout cas. Ça, c'est mon avis, là. Non, c'est ça. Fait que, on va y aller avec toi. Ben, j'aimerais juste confirmer le fait que, comme la précision des, comme on avait dit avec les tablettes, permet beaucoup moins de maîtrise puis comme de pratique des réflexes, comparé justement aux manettes, que c'est peut-être pour ça aussi que le public cible des hardcore games n'est pas là. Mais, comme ça a été dit, tu sais, t'as les hardcore gamers, mais t'as aussi les hardcore games. T'sais, tu vas avoir des jeux qui vont être faits plus pour fitter ça, mais tu peux avoir des jeux comme plus qu'un jour, plus faciles à comprendre, mais que des hardcore gamers peuvent jouer. Genre, tu peux jouer comme à Mario Striker, puis tu peux avoir du monde qui connaissent vraiment toutes les techniques, toutes les fins, puis ça va jouer intense, puis ils vont être focusés de même, puis dès qu'ils vont avoir un but, ça va se mettre à gueuler, puis tu vas avoir des stratégies. Même à Mario Party, là, tu peux te mettre à 4 personnes qui connaissent pas, ça va être le fun, mais si tu mets 4 personnes qui connaissent les mini-jeux, puis que chaque petit parcelle genre compte pour un autre, ça peut atteindre des niveaux. Il y a des espèces de ligues à NHL aussi, là. Il y a des hardcore gamers à NHL là, qui font des grosses compétitions et qu'ils finissent par gagner de l'argent avec ça. Fait que ça, c'est comme les compagnies ont leur public cible parce que tu peux pas faire des jeux de 7 à 77 ans. Genre. Il y a toujours comme un certain gap qu'ils préfèrent viser, même si n'importe qui peut jouer. Mais c'est comme le joueur peut s'ajuster à savoir si lui il va aimer ça ou sinon. Il peut complètement prendre un jeu qu'un joueur puis y jouer de façon hardcore. Genre. Oui, ben si on veut prendre un jeu qui est fait pour casual, qu'on peut jouer vraiment hardcore, c'est Pokémon. Ok, moi quand j'ai commencé, c'est Pokémon, tu pognes, tu pitches, ok, c'est drôle, les petits animaux qui se battent. Mais quand t'es rentré, moi je me considérais comme un hardcore Pokémoner quand je connaissais les 151. Pokémoner. Écoutez, je pense qu'il y en a 6500. Il y en a beaucoup qui les connaissent toutes. Fait que c'est un. Ah, donc Pokémon, on s'entend, c'est n'importe quel enfant de 8 ans va trouver ça le fun, mais il y a du monde de 16, 20, 25, 30 ans qui vont connaître tous les Pokémon et tous avoir un style, lui et oui, que lui. Tu telle attaque, lui, il y a juste lui qui a cette attaque-là. Donc, on peut être hardcore Pokémon. En fait, d'ailleurs, on est dans une convention où il y a beaucoup de monde hardcore dans pas mal d'affaires. on est à la place pour ça. Merci beaucoup. Ah oui, on a... Oui, vas-y. Vas-y, Ben. J'aime ton nom. Je voudrais rajouter quand à ce que mon ami disait. Oui. Je pense qu'il y a des jeux qui sont plus hardcore et qu'il y a des jeux qui sont plus casual. Les joueurs hardcore vont avoir très facilité à aller vers un jeu plus casual, tandis qu'un joueur casual ne sera pas capable d'aller vers un jeu plus hardcore comme on prend. Donc, on parlait tantôt d'un Dark Souls ou la série des Monster Hunter. Un casual n'aura aucun plaisir à jouer à ça. Même un joueur hardcore va falloir qu'il s'investisse pour comprendre la mécanique du jeu. Tandis qu'un joueur plus hardcore va pouvoir décider de prendre un jeu casual. Je vais prendre un exemple qui est très simple que tout le monde connaît, c'est Super Mario Bros. C'est un jeu très simple que destiné à toute la famille, à tout le monde. Tout le monde y joue, tout le monde y a déjà joué. Et tu peux décider de le speedrunner. Tu peux décider d'un jeu tellement simple, tu peux le rendre hardcore. Les VJ Will et nos Candy Crush de tantôt, ici, c'est un petit peu la même chose, mais ça, je dirais peut-être plus, ça tire vers la cyberdépendance que vers le hardcore. Genre, ça peut remonter loin, hein? T'sais, on peut aller jusqu'à Pac-Man, là, dans le temps. Là. Il y a des records mondiaux, il y a des compétitions de Pac-Man. Des... Ben, King of Kong. Ouais, King of Kong, le gars qui a fait le record du monde dernièrement. Il y a des hardcore gamers qui sont même pas capables de jouer avant qu'ils comprennent et qu'ils comprennent pas. Donc, est-ce qu'il y a une définition en tant que telle que hardcore gamer de casual gamer? Je pense pas que non. Je pense que ça existe pas. Je pense que la définition est à chacun. C'est relatif. Moi, je dirais que tout se passe dans la tête. C'est quoi ta mentalité quand tu joues au jeu? Tu joues-tu juste parce que tu trouves ça le fun et tu penses un bon temps? Ou bien si tu y joues parce que tu veux prouver à toi-même que tu es vraiment là, le master? C'est ça. Ok. On va commencer avec mon cher Arcade Rétro. Comment on peut te rejoindre sur les internets? Oui, sur YouTube, Arcade Rétro 83, sur Facebook aussi, Arcade Rétro. Et sur le site d'Acro des Jeux. AcroDesJeux.net. Ok. En titre, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre par email pour intthsl@gmail.com et yahoo.ca. On peut également me rejoindre à la meilleure façon qui est sur ma chaîne YouTube à @seg à la fin et naturellement sur le forum desacrodesjeux.com, acrodesjeux.com. Juste un gamer, comment on te rejoindre sur les internets? Alors sur ma page Facebook, cherchez juste un gamer, c'est un gamer en français et non en anglais. Vous pouvez trouver sur Facebook, sur YouTube, la même chose. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours aller discuter de sujets super intéressants sur le forum d'acrodesjeux.com. Marie-Lune, comment te rejoindre sur Internet? On peut me rejoindre via YouTube en cherchant les découvertes de Marie-Lune ou Création ML. On peut me rejoindre via courriel à blogdemarie-lune@gmail.com. Sur Facebook, sur Twitter, on peut me trouver facilement. Et bien sûr, sur le forum d'acrodesjeux.com. Et pour nous deux, parce qu'on vient en paire, taper Tester Alpha soit dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter, vous allez nous trouver. Là. C'est ça, parce que moi, je pense que c'est important pour avoir ma page à moi. Daniel Calin à Joueur de Tom, il est donné généreusement. Il en a besoin. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me communiquer avec moi. Vous avez le site internet desacrodesjeux.com. Il y a également le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Il y a le Twitter également, à commercial Accros des Jeux. Et il y a le courriel. Et j'ai reçu un beau courriel cette semaine de Little Girlie qui me dit « Bonjour, j'aimerais avoir du fun avec toi. Écris-moi, bye, avec une belle petite adresse que je ne connais pas. » Merci de m'offrirais ça, mais non, j'ai déjà une blonde, alors non, je vais pas faire ça. C'est tout mon pays qui a envoyé ça à n'importe qui. Non, ça, vraiment une fan. Non, c'est des spams. À chaque semaine, lors d'un podcast, je parle d'un spam que j'ai reçu. Okay. Donc, c'est la raison pourquoi que je vous recommande, si jamais vous m'envoyez un courriel, à cause des jeux commercialgmail.com. Merci à vous tous d'être venus. C'est merci. Vraiment cool. Ben non, sur YouTube, il y a quand même assez de monde aussi. Ouais, non, mais je veux dire, live. 250, hein? Ouais, 250. 250, merci beaucoup d'être venu à cet atelier. Si vous jamais voulez jaser avec nous autres après, il n'y a pas de problème, on va être dehors à discuter avec vous. Sauf, vous autres, vous en allez. Nous, on a les squelettes dans le placard. Les squelettes dans le placard qui est dans une autre salle qu'on s'en va dans pas long. Et sinon, on va participer au show du gros backup à 8h ce soir. Et nous, on a notre table à cause des jeux. Si jamais vous voulez venir nous faire un petit tour, nous jaser avec vous autres, puis continuer la discussion sur les records et les casual games. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Et si ça vous tente de venir participer à un de mes vidéos, je fais 2 tournages de vidéos présentement dont j'ai besoin de votre aide. Donc si ça vous tente de venir me voir, je vais être ici juste à côté ou à la table tantôt. Merci tout le monde. Merci. Bye bye. Merci. Bye.